Volatile comme l'air, une alliance ou presque, on s'est poursuivi, avenir envisagé. Enfermé à clé, quotidien à nos côtés, je peux m'apaiser et même te dire ok. Te dire ok. Ici, là-bas, croise vos lèvres, croise vos lèvres. Quel qu'il soit, un lit d'amour ici, là-bas, là-bas, croise vos lèvres, croise vos lèvres. Fragile comme le verre qui peut se casser, faire des drôles de tête pour très vite se gazer. Enfermé à clé, quotidien à nos côtés, je peux m'apaiser et même te dire ok. Ok. Cet ange à chair, et pourquoi pas ces sentiments balnéaires? Il n'y a qu'un toi, je ne vois que ça. Je croise en toi, je croise en nous. Toi tu voulais moi que vous lèche, toi tu voulais moi que vous lèche.